La première visite technique de ma voiture doit avoir lieu avant son deuxième anniversaire, réponse A. Son quatrième anniversaire, réponse B. Elle doit être renouvelée tous les ans, réponse C. Tous les deux ans, réponse D.